Mais ça c'est le sixième opus qui vient pour déclasser les autres. De la plume ou bien du flow, appelle le 13e apôtre. Il vient pour briser les carrières de l'État et sa bannière. Vient pour annoncer la guerre, Babylone on nique ta merde à tous ces enculés qui sniffent le bif et dit lassé. Encore un son bien fat qui met le feu à l'Elysée. Toi et ton œil de pute, mais regarde-moi droit dans les yeux. On vient pour brûler le cyclope qui ne fera pas long feu. Et si c'est dans la merde, c'est que ton bif se porte bien. Ton drapeau part en couille, il a du sang sur les mains. Ne confonds pas l'eau et le vin, les GAV au poste sont loin d'être un échange pro-humain, mes coups de crosse. Tes idées sont bien fades, un arrière-goût de peur. Tu tartines tes pensées pour écraser le beurre. 1/3 de fachos, mais bienvenue en France. Ton passé sent la mort, ton futur pue la souffrance. Parce qu'il paraît que c'est la paix qui les rend dingue. Ces fils de pute, pas de l'ONU, mais pas des gants de flingue. Parce qu'il paraît que la justice est bien la même pour tous. Pas de politico sans tout, ils viennent à leur escousse. Ton système part en couille, dans les guerres ils se mouillent. Pas de Robin des Bois, car rejoue la dépouille. Ton système part en vrille, les riches car on les pire. Pourquoi tu fais le pompier alors c'est toi qui les grilles? Je ne suis pas en mode carré, ni bling bling et billet. Et dans mes clips, pas de filles qui font les prostituées. Je ne prône pas les guns anti-gardiens, mais pour la paix. Pour tous les frangins qu'on le seum, qu'on appuie sur les plaies. Et tes lois sans que la mort pisse le sang dans la nation. Faire une guerre pour le bif est une drôle d'action. Et nos rues sentent la pisse, sentent le vice un peu partout. Fais péter ta baraque, on peut s'y caler un coucou. Appelle-moi TS9 qui vient cramer la Gestapo. Et français d'origine, mais je pisse sur ce drapeau. Ton bleu, blanc, rouge sans le cadavre et puis la mort. Ta bannière pue les fautes, mais n'assume pas ses torts. T'as du bleu dans les yeux, moi du vert jaune rouge dans la tête. Pourquoi ces fils de putain n'ont toujours pas pris perpète? Si tu n'aimes pas mes paroles, c'est que j'ai bien joué le rôle. Que j'ai bien fait le taf de 2010, on vient mettre des baffes. Parce qu'il paraît que c'est la paix qui les rend dingue. Ces fils de pute, pas de l'ONU, mais pas des gants de flingue. Parce qu'il paraît que la justice est bien la même pour tous. Pas de politico sans tout, ils viennent à leur escousse. Ton système part en couille, dans les guerres ils se mouillent. Pas de Robin des Bois, car rejoue la dépouille. Ton système part en vrille, les riches car on les pire. Pourquoi tu fais le pompier alors c'est toi qui les grilles? Et oui, parfois je me pose, je délaisse les buts crasseux. Trop lyrical pour les lovers, pédale pour les baveux. Thématique est la même, la couleur on s'en bat. Les douleurs on s'en fout, nous on veut one love puis c'est tout. Je jongle entre les flots, excité ou posé, enragé ou en paix, mais le tout reste engagé. Un texte à polémique, un son dans la douleur, des rimes pour la musique ou quelques sommeurs enrageurs. J'ai tellement de thèmes à faire que j'ai pas fini de poser. En instru ou intru, au pire je te fais un exposé. Ne retiens pas le blas si tu ne comprends pas les phrases. Mon rap s'adresse aux têtes, mais pas celles dans une phase. Appelle-moi TS9 qui vient cramer la maison mère. L'Elysée ou l'État, pas les ch'tards mais le commissaire. Trop virulent pour tes tympans, mais demande-toi pourquoi. On dit qu'on baise l'État, Marianne, la France et toutes ses lois. Parce qu'il paraît que c'est la paix qui les rend dingue. Ces fils de pute, pas de l'ONU, mais pas des gants de flingue. Parce qu'il paraît que la justice est bien la même pour tous. Pas de politico sans tout, ils viennent à leur escousse. Ton système part en couille, dans les guerres ils se mouillent. Pas de Robin des Bois, car rejoue la dépouille. Ton système part en vrille, les riches car on les pire. Pourquoi tu fais le pompier alors c'est toi qui les grilles? Parce qu'il paraît. Ton système part en couille, pas de Robin des Bois. Ton système part en vrille. Pourquoi tu fais le pompier?